Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui, Anna Goldi, sorcière ou bouc émissaire, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Anne-Claire Jolin et Christelle Alves-Mera, réalisée par Michel Sidoroff. La fiction d'aujourd'hui raconte un voyage dans l'histoire d'une sorcière, Anna Goldi, qui commence à la fin du XVIIIe siècle en Suisse et ne trouve sa conclusion judiciaire qu'au XXIe siècle. Après 17 semaines et 4 jours de détention, le 18 juin 1782, Anna Goldi est condamnée à mort et décapitée. 200 ans plus tard, un journaliste suisse, Walter Hauser, débute une enquête. Nous sommes dans les années 2000. Grâce à ce travail qu'il a mené pendant plusieurs années, il a prouvé l'erreur judiciaire qui a fait condamner donc à tort Anna Goldi, qui est enfin réhabilitée en 2007. On ouvre même un musée en son hommage dans le canton de Glaris, en Suisse. Longtemps chassée puis longtemps oubliée, la sorcière revient depuis quelques années. Pourquoi et où? Quelle est donc cette mutation et au-delà du cas d'Anna Goldi qui fait de la sorcière une figure désormais féminine, elle qui a si longtemps symbolisé la femme subversive? À quoi doit-on ce retour en grâce? Car ce n'est pas un hasard, non. C'est aujourd'hui à la faveur de tout un questionnement sur les femmes, leur identité, leur liberté et leur indépendance, longtemps restées dans la clandestinité en raison de leur mystère, que se produit ce phénomène. Féministes, écologistes, anticapitalistes, toutes pourraient se revendiquer. Pour poursuivre cette enquête sur les nouvelles sorcières, appelons-les comme ça, après la fiction, nous recevrons Camille Dusselier, plasticienne et réalisatrice du film expérimental « Sorcières, mes sœurs ». Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Anna Goldi, sorcière ou bouc émissaire, de Anne-Claire Jolin et Christelle Alves-Meira. Une réalisation de Michel Sidoroff. Mesdames, Messieurs les députés, bonjour. Certains d'entre vous me connaissent déjà, car comme moi, vous vivez à Glaris depuis votre naissance. C'est dans notre canton que nous avons partagé les bancs de l'école. Pour ceux qui ignorent qui je suis, je m'appelle Walter Hauser. Je suis né à Glaris, j'y ai grandi et y vis aujourd'hui. Je suis avocat de formation et journaliste de métier. Si je me tiens aujourd'hui devant vous, c'est pour demander la réhabilitation d'Anna Goldi, cette femme injustement condamnée à mort il y a plus de 200 ans par notre canton pour sorcellerie. Vous avez sûrement déjà tous entendu parler d'Anna Goldi. Comment faire autrement? C'est une légende par ici. La première fois que j'entends parler d'Anna, j'ai 7 ans environ. Je me tiens assis en classe de primaire. Je revois encore la maîtresse, installée derrière son bureau, nous raconter cette étrange affaire, comme si elle était la chose la plus extraordinaire qu'il se soit passée ici. Et c'est le cas. L'histoire d'Anna m'a toujours fasciné. Enfant, j'ai d'abord cru à cette histoire de mauvais sort qui suscitait chez moi une sorte de rejet et d'admiration. L'âge de raison arrivant, c'est sous un angle judiciaire cette fois que je l'ai étudié en tant qu'élève avocat, et plus tard en tant que journaliste dans le cadre d'une longue investigation où j'ai entrepris d'écrire un livre. Non pas un roman, comme certains détracteurs l'ont laissé entendre, mais bel et bien une enquête dans laquelle je n'ai fait que rassembler les faits. Rien que les faits. L'ensemble de l'Assemblée ici présente a bien pris connaissance de votre livre, dont je rappelle le titre « Anna Goldi, meurtre judiciaire », ainsi que de la motion du parlementaire Fritz Schisser adressée au Conseil d'État le 8 juin 2007 dernier. En effet, Monsieur le Président. Avant la sortie de mon livre, en 2006, il y a tout juste un an, je demandais au Conseil d'État de bien vouloir rédiger un texte à propos d'Anna pour le dernier chapitre. Notre canton ne s'était alors encore jamais exprimé sur cette affaire, pourtant si populaire. Anna Gueldi est considérée partout ailleurs comme l'une des dernières sorcières d'Europe. Mais comme vous le savez déjà, le gouvernement refusa. Je me tiens donc aujourd'hui devant vous, car je pense qu'il est de notre responsabilité d'éclairer la face sombre de notre histoire. Nous ne pouvons pas simplement célébrer des victoires de nos héros, nous nous devons aussi de parler de nos victimes, des abus de pouvoir et surtout envers les femmes. Ce combat que je mène pour réhabiliter Anna Gueldi, je le mène au nom de toutes celles qui ont été oubliées de nos tribunaux et malmenées dans les siècles passés. Je le fais pour nos enfants, pour qu'ils comprennent que nous sommes capables de regarder vers le passé, de tirer des leçons, de faire un devoir de mémoire. Pour cela, chers membres de l'Assemblée, je me fais porte-parole de cette affaire obscure dans l'espoir d'y apporter mes lumières et d'éclairer les vôtres. Très bien. Nous vous écoutons. En juin 1782, Anna Gueldi est condamnée à mort par décapitation. Mais de quoi l'accuse-t-on exactement ? De sorcellerie ? D'empoisonnement ? De libertinage ? Qu'en est-il réellement ? L'histoire d'Anna et son lien mortel avec Glaris commence à l'automne 1780, quand Anna franchit le seuil de la maison des Tchoudi. Elle y vient travailler comme domestique. Très vite, les enfants l'adorent. Mais au bout de quelques mois... Anna ? Monsieur, vous m'avez fait peur. Loin de moi cette idée. Tournez-vous, je vous prie. Laissez-moi me rhabiller. Si je me tourne, je ne verrai plus votre poitrine si généreuse. Monsieur, je ne suis pas d'humeur. Votre couche est bien confortable. Allons, monsieur, s'il vous plaît. Laissez-moi. Je vous ai déjà dit. Chose dite n'est pas forcément recevable. Surtout de la part d'une belle femme comme vous. De quoi avez-vous peur ? Je ne veux pas me plier à ce jeu. Qui vous parle de cela ? C'est moi, le maître, qui me plierai à vous. Pensez à votre petite Anna Maria, si elle nous voyait. Elle vient souvent me voir la nuit. La petite est avec sa mère dans notre chambre. Partez, je vous prie. Je l'entends déjà monter les escaliers. Vous avez l'ouïe aussi fine que votre peau est douce. Partez maintenant. Partez ou je crie ! Vous me faites du chantage. C'est un petit jeu bien médisant pour une femme de votre condition. Non ! Salope ! Ici, c'est moi qui dicte les règles. Anna a tout ce qu'un homme peut désirer. Elle a du caractère, elle est belle, et puis, elle est célibataire. Mais elle ne sait ni lire, ni écrire. Elle est inoffensive. Lui ? Johann Jakob Tchoudi est un homme influent. Il est docteur, juge et membre du conseil. À l'époque, il n'y avait pas de séparation des pouvoirs. L'exécutif et le judiciaire entremêlés, le pouvoir de Tchoudi et de sa famille n'en était que plus grand. Si vous venez déposer une plainte... Remplissez le formulaire. Je veux parler à quelqu'un d'abord. Que voulez-vous donc ? Je veux savoir ce qu'il serait fait de ma plainte. Je ne peux vous le dire sans savoir de quoi il retourne. Pourquoi venez-vous ? Mon maître se permet des gestes déplacés. Des gestes déplacés ? Oui. Vous voyez ? Des gestes. Et qui est votre maître ? Monsieur Tchoudi. Excusez-moi un instant. Anna, je ne sais pas si tu fais bien. Cet homme aura vite fait de faire courir l'affaire sans rien faire de ta plainte. Taisez-vous, mon ami. Vous aviez promis de m'accompagner sans trouver à redire. Anna, Anna, qu'allons-nous faire d'une femme comme vous? On ne peut vous tenir tête. Mais je vous en prie, ne vous battez pas contre des moulins à vent. Judy est bien trop influent. Il y a forcément d'autres moyens. Lesquels alors? J'aime mon travail. Je ne veux pas le perdre. Joignez au formulaire une lettre. On verra ensuite ce qu'on pourra faire de votre plainte. Et vous, votre nom? Vous venez aussi déposer une plainte? Steinmüller, Rudolf Steinmüller. Non, j'accompagne seulement madame dans ses démarches. Il ne sera rien fait de la plainte d'Anna. Ou du moins, nous n'en savons rien. Mais en ville, la rumeur commença à circuler. Or, monsieur Tchoudi était marié. Et à cette époque, une relation hors mariage était considérée comme un acte criminel. C'était très grave. Monsieur Tchoudi aurait pu perdre sa position de juge et mettre en danger l'honneur de sa famille. Aïe! Anna Maria, un peu de calme là, je vous prie. Anna Maria, ça suffit? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Anna Maria, maman. Elle tirait les cheveux d'Anna. Maman, c'est faux! Suzanne, veux-tu te taire? Accuser ta sœur ainsi. Monte dans ta chambre, tu ne déjeuneras point avec nous. Et vous, Anna, ne restez pas comme une potiche. Réparez votre faute. Oui, madame. C'est que la petite Suzanne dit vrai. C'est sa sœur Anna Maria. Ne vous en mêlez pas. Je n'ai pas de conseils à recevoir d'une femme aussi sournoise et volage que vous. Je sais ce que vous faites, et je vous prierai de rester en dehors de mon ménage. Tout semble alors bien classique. Une maîtresse jalouse de sa domestique, des chamailleries entre sœurs, mais le lundi 25 octobre 1781, la vie d'Anna bascule définitivement. Montre-moi. Mon Dieu. Anna. Anna, venez. Oui, madame, j'arrive. Une autre aiguille. Vous la voyez? Elle était cette fois dans la mouillette de pain de notre petite Anna. C'est vous qui l'y avez mise, n'est-ce pas? Non, madame. Je ne ferai rien de tel. Ne me mentez pas, Anna. Ne me mentez pas. Depuis mardi dernier, nous trouvons chaque jour des aiguilles au fond du bol de lait de notre petite Anna Maria. Et aujourd'hui, c'est dans le pain que je la trouve. Voulez-vous donc sa mort? Non, madame. Je ne vois pas d'autre solution que de vous renvoyer. Madame, je vous en prie. Je ne sais pas d'où viennent ces aiguilles. Ce matin, j'ai fait exprès de ne pas remplir son bol, pour que vous voyiez que je dis vrai. C'est vous qui vous en êtes chargée. C'est bien ce que je dis. Sans bol de lait, vous avez donc mis l'aiguille dans le pain. Je vous demande de faire vos affaires et de sortir de chez moi immédiatement. Madame, je vous supplie de me croire. Tout ce que je dis est vrai. Sortez de chez moi! Le 25 octobre 1781, Anna est renvoyée. Elle quitte Glaris le 29 octobre. La petite Anna Maria tombe malade peu de temps après son départ. La voilà alitée à cracher des aiguilles. D'après les écrits et les dires de chacun, cela ne fait aucun doute. L'enfant a été ensorcelé. Une plainte est déposée contre Anna Guldi et le 25 janvier 1782, 3 mois après son départ, un avis de recherche est lancé. J'ai avec moi un extrait. L'honorable canton de Glaris, de confession protestante, offre sans couronne à quiconque découvrira et remettra à la justice la dénommée Anna Guldi, ci-après décrite. Elle a commis ici un acte monstrueux sur la personne d'un enfant innocent de 8 ans en lui faisant absorber par des voies mystérieuses une quantité d'épingles et d'autres objets. Anna Guldi, âgée de 40 ans environ, de stature forte et grande, visage rond et rougeau, cheveux noirs ainsi que sourcils, a des yeux un peu maladifs, le plus souvent rougis. Son aspect est abattu. Elle s'exprime dans le dialecte de Zenfeld, porte une jupe couleur mode, une robe bleue et une à rayures. Par-dessous, un jupon ajouré, une veste damassée, des bas blancs, un capuchon noir sous lequel elle a une coiffe blanche. Enfin, elle porte un ruban de soie noire. Le 25 janvier 1782, chancellerie de confession protestante de Glaris. Anna est arrêtée et emprisonnée à l'hôtel de ville de Glaris. Juste au-dessous de la salle du conseil, à quelques mètres d'où nous nous trouvons actuellement. Mangez si vous ne voulez pas finir la peau sur les os. Qu'ont-ils dit là-haut ? Rien qui vaille pour vous. A-t-on prouvé mon innocence ? Ils viennent d'interroger Monsieur Tchoudi. Certains disent que vous aviez une liaison. Mais votre maître dément toutes ces choses. Ils veulent me réduire au silence. Mais je ne viens pas pour ça. La petite est dans un triste état. Le conseil au nom du docteur Tchoudi vous demande si vous pouvez y faire quelque chose. Comment puis-je l'aider alors que je ne lui ai rien fait ? Vous êtes l'auteur sans aucun doute du mal survenu à la petite. Et si vous niez, le bourreau vous entreprendra. Et si j'accepte ? Si vous acceptez, votre peine sera plus douce. Mais cela fera de moi une sorcière. Alors, votre décision ? Laissez-moi au moins la nuit pour réfléchir. Par cette requête, le conseil oblige Anna à se condamner elle-même. Si elle accepte, elle confirme les accusations de sorcellerie qui portent sur elle. Mais si elle refuse, ils feront venir le bourreau qui la forcera à avouer les mêmes faits. Le piège des hommes se referme sur la domestique. Le 15 mars 1781, elle demande à voir la petite Anna Maria dans la cuisine de ses anciens maîtres, là où le mal a débuté. Monsieur Tchoudi, voici Anna Guldi. Et voici ma fille, Anna Maria. Monsieur Tchoudi, Anna. Pouvez-vous me laisser seule avec l'enfant ? Non, papa, non. C'est pour ton bien, Anna Maria. Il faut faire un effort. Nous serons derrière la porte. S'il se passe quoi que ce soit, crie. Ma pauvre enfant. J'ai cru que c'était en dedans que tu souffrais. Je ne savais pas que ta jambe était comme ça. Tu ne peux donc plus bouger ? Non. Laisse-moi toucher ta jambe, tu veux ? Si on me prend pour une sorcière, que je t'aide au moins. Ça te fait mal ? Oui. N'aie pas peur, mon enfant. Je ne te veux aucun mal. Attends voir. Tu te souviens de ce jour, ensemble dans la cuisine ? Je cuisinais, là. Les chaises étaient ainsi. Tu courais entre elles. Tu te souviens, Anna ? Oui. Quelle chose malheureuse que de s'être chicanée. Je ne suis pas partie à cause de toi, Anna Maria. Je suis partie parce qu'il devait en être ainsi. Tu comprends ? Oui. Bien. peux bouger ta jambe vers l'avant. Voilà, comme ça. Bien. Bien. Anna Maria ? Elle est debout. Anna Guldi, née à Zenwald, d'un père nommé Adrien et d'une mère nommée Rosina Bühler, vous avez à ce jour 48 ans. Confirmez-vous ? Oui, monsieur le juge. Le tribunal protestant que je préside aujourd'hui a pris acte des faits et des événements passés. Il y a quelques années, libidineuse et inexpérimentée dans les choses de l'amour, vous êtes tombée enceinte. Vous avez gardé la grossesse secrète et lorsqu'on vous trouva déjà délivrée, l'enfant né dans le déshonneur était mort. Il y eut alors une forte présomption d'assassinat prémédité. Confirmez-vous ? Monsieur le juge, ceci n'a pas à voir avec la petite Anna Maria. À l'époque, j'ai dû cacher ma grossesse comme je travaillais et en mettant l'enfant au monde, il est mort de sa faiblesse. Mais je n'y suis pour rien. J'ai été jugée. Et le malentendu a été prouvé. Je vous en donne ma parole. Donc, vous confirmez. En ce qui concerne Anna Maria, confirmez-vous les accusations portées contre vous ? Je n'ai pas mis les épingles dans le lait. Je le jure. Selon les médecins, le mal viendrait d'un biscuit donné à l'enfant le jour de la kermesse. Avouez-vous avoir donné cette chose à la fille du docteur ? Oui, j'avoue. Quand et comment ? Le dimanche de la kermesse. Est-ce le diable qui vous a donné le biscuit ? Est-ce le diable ? Non, monsieur le juge. Alors, qui est-ce ? Sinon le malin ? Ce jour-là, j'étais avec mon ami Steinmüller. C'est lui qui a donné le biscuit. On voit bien que vous êtes mal à l'aise. Feriez-vous du tort à un innocent par cette déclaration ? Je ne sais pas ce que je fais. Alors, Anna, est-ce toujours Steinmüller qui donna le biscuit à l'enfant ? Non. Qui est-ce ? C'est moi. Vous admettez alors que le malin vous a contrainte. Dites-le. Dites-le. Monsieur Tschudi et sa fille Anna Maria. Grâce à Dieu, elle marche à nouveau. Messieurs les jurés, mon enfant tient sa guérison de l'action énergique de la justice. Nous vous en remercions. Ma petite, c'est bien Anna qui t'a donné le biscuit. Non, monsieur. C'est son amie. Steinmüller est arrêté et emprisonné dans une cellule voisine d'Anna. On recherche des liens de complicité entre eux. Anna n'est plus la seule victime du système judiciaire. Steinmüller vient d'entrer en jeu. Pour tous les deux, c'est le début de la question. Cet interrogatoire sous torture qui avait pour but d'arracher à l'accusé l'aveu de son crime. Parmi les épreuves infligées, celle de l'eau glacée, du fer ardent, des bras en croix et autres mauvais traitements. Sorcière, vois-tu cette tige chaude? As-tu envie que je l'applique sur ton dos? Non, je vous en conjure. Alors, à vous. Qui t'a donné les choses? Prétends-tu toujours que c'est Steinmüller qui a fait le biscuit? Oui. Mais c'est toi qui lui en as donné l'ordre. Non. Avoue-le! Ça s'est passé sous tes ordres et ceux du diable. Oui. Quelque temps après, on retrouva un livre de recettes chez Steinmüller. L'homme fut accusé de sorcellerie au même titre qu'Anna. Le 12 mai 1782, Steinmüller se pend. Est-ce un suicide? Un assassinat? On ne saura jamais la vérité. Ses biens, eux, seront confisqués, vendus, et l'argent du riche serrurier reviendra au canton de Glaris. Anna, elle, sera interrogée encore et encore jusqu'à la sentence finale. Anna Guldi, ici présente, après 17 semaines et 4 jours de détention, où vous fûtes la plupart du temps enchaînée et liée, vous avez reconnu, au cours d'interrogatoires, avec et sans contrainte, avoir nuit à Anna Maria, la deuxième fillette du juge Tschudi, avec qui vous vous étiez fâchée, dans l'intention très méchante et avouée de la rendre infirme. Considérant la grande méchanceté que vous avez manifestée à l'égard de l'innocente fillette, considérant l'horrible maladie que la fillette a endurée, considérant également la vie dissolue que vous avez précédemment menée, le conseil vous juge sous serment au titre d'empoisonneuse et vous condamne pour juste punition de votre délit et afin que vous serviez d'exemple aux autres, à être remise au bourreau, conduite sur la place publique de Glaris, où vous serez exécutée au moyen de l'épée. Votre corps sera enfoui sous l'échafaud et vos biens confisqués. En tant qu'étrangère, Anna aurait dû être jugée par un tribunal neutre. Mais c'est devant un tribunal protestant, composé d'amis et de membres de la famille de M. Tschudi, devant une assemblée de 60 hommes, qu'elle fut condamnée. Anna n'avait aucune chance. Le conseil la déclara coupable même avant son procès et la décapita alors que la peine de mort n'était pas obligatoire pour les empoisonnements non mortels. La lutte contre les sorcières, elle, était un fait de tradition, même dans l'église protestante. Calvin avait prêché au sujet de la femme d'Andorre. La Bible nous enseigne qu'il y a des sorcières et qu'il convient de mettre à mort les magiciennes. Sous cette couverture, le tribunal de Glaris, incompétent dans le rendu d'un jugement impartial, plaida en faveur de M. Tschudi. Pour faire taire la maligne, pour la réduire au silence, il condamna Anna Guldi à mort. Mesdames, messieurs les députés, aujourd'hui, rassemblés dans ce lieu où Anna fut jugée, je vous demande de reconnaître l'assassinat commis par notre justice il y a 200 ans. Anna est la victime de l'étroitesse des mœurs de l'époque et de l'hégémonie de l'homme sur la femme. Voilà pourquoi, moi, Walter Häuser, je demande en ce jour la réhabilitation d'Anna Guldi. Merci, Monsieur Häuser. Nous vous ferons part de notre vote. Oui, Le 10 juin 2008, après un an de discussion et de débat au sein du Parlement et contre l'avis initial du Conseil d'État, le gouvernement du canton de Glaris reconnaît l'erreur judiciaire. Anna est enfin réhabilitée. Elle devient la première sorcière d'Europe à être innocentée. C'était Anna Gueldi, sorcière ou bouc émissaire, de Anne-Claire Jolin et Christelle Alves-Meira, avec Sarah Caponi, Anna Gueldi, Quentin Bayot, Walter Heuser, Pierre Puy, Monsieur Tchoudi, Frank Kronowsek, l'huissier Blumer, Sandrine Lebert, Anna Maria, Michel Sidorov, le conseiller, Aurélie Julia, Madame Tchoudi, Brigitte Lecordier, Suzanne, Marc-Henri Boisse, le président du Parlement, Jean-Luc de Baptiste, le juge, Daniel Krellenstein, le bourreau Volmar de Ville, Mathieu Marie, Rudolf Steinmüller. Prise de son, montage et mixage, Philippe Mercher, Fabien Capel. Bruitage, Sophie Bissantz. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Michel Sidorov. Thank you. fiction. Mon but, c'était vraiment de parler des femmes d'aujourd'hui, mais peut-être de montrer comment cette histoire que souvent on connaît pas bien a façonné notre vision de ce que doit être une femme, de ce que ne doit pas être une femme jusqu'à aujourd'hui. Et quand on se penche sur cette histoire, on s'aperçoit qu'il y avait quand même un certain profil de femmes qui était spécialement visé, et c'était les femmes qui n'étaient pas utiles, entre oui. guillemets, c'est-à-dire qui existaient indépendamment du service d'un homme, du service d'enfant, parce qu'il y avait une sorte d'anxiété sur la natalité très forte à l'époque. Donc les avorteuses étaient poursuivies, les électrons libres, en fait, les femmes célibataires, les veuves, et les vieilles femmes aussi, qui en quelque sorte étaient aussi inutiles, puisqu'elles pouvaient plus porter d'enfants, puisqu'elles n'étaient plus considérées comme agréables à regarder. Elles pouvaient avoir la langue un peu mieux pendue que dans leur jeunesse, enfin elles pouvaient avoir acquis un certain aplomb qu'on n'a pas forcément plus jeune. Et je crois qu'aujourd'hui, mine de rien, même si on se pense très émancipé, je crois qu'on est toujours très marqué oui. par ces figures. C'est-à-dire qu'on a, en fait, on a toujours des représentations très négatives de la femme sans enfant, de la vieille femme, de la femme célibataire. Donc c'était en fait l'occasion de s'attaquer à tous ces stéréotypes qui souvent traînent dans nos têtes sans qu'on s'en aperçoive même. Ça me fascine toujours les femmes qui s'émancipent, qui vont là où on les attend pas, là où on veut pas forcément d'elles, qui échappent un peu au destin très attendu et très conformiste. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Anna Goldie, sorcière au bouc émissaire. Notre invitée, Camille Dussolier, plasticienne, réalisatrice du film intitulé Sorcière mes sœurs. Bonjour Camille Dussolier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes plasticienne et réalisatrice, auteure également de plusieurs livres et films donc, et dans l'une de vos créations, Sorcière. Mes sœurs, vous donnez plusieurs mots et tentez une définition de la sorcière. On y reviendra. Je voudrais avoir d'abord votre réaction à ce qu'on vient d'entendre, une archive dans laquelle Mona Chollet, journaliste et écrivaine, s'exprimait. Elle nous donnait sa définition de la sorcière. C'était sur France Inter dans l'émission estivale Pensez les femmes d'aujourd'hui de Leïla Kaddour, diffusée le 25 juillet dernier. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Ça m'inspire aussi le lien avec Anna Goldie et donc toutes ces femmes qui ont été des présumées coupables dans l'histoire pour avoir eu des mauvaises pratiques, pour avoir été effectivement des subversives, des indépendantes, des affranchies. Et ça, je repense justement à Présumées coupables, qui était le nom d'une exposition aux Archives nationales qui parlait non seulement des sorcières, mais de toutes ces mauvaises femmes dans l'histoire. Donc les empoisonneuses, les infanticides, les pétroleuses, jusqu'aux tondues. Donc en fait, des sorcières et des mauvaises femmes, il y en a toujours eu et il y en a toujours. Alors, définition de la sorcière selon vous maintenant. Comment vous la définiriez ? Je pense que ça va faire référence à ce que vous venez de dire déjà, mais s'il fallait vraiment choisir les traits de caractère principaux. Alors c'est toujours difficile de devoir résumer comme ça justement avec des caractères si marqués parce que ça devient des étiquettes et ça devient des stéréotypes et justement les sorcières devraient échapper à ça. Les sorcières d'hier et d'aujourd'hui, elles s'affranchissent, elles sont en marge et elles dérangent, elles font peur, elles gênent l'ordre établi. Et là, l'ordre établi actuel, c'est la société dans laquelle on est, donc une société hétéro, blanche, capitaliste, coloniale. Donc voilà, toutes les personnes qui sortent un peu de ce cadre peuvent se considérer en lien avec cette figure-là. Alors on va écouter une deuxième archive, et celle-là est extraite de votre film Sorcières mes sœurs. Des femmes intelligentes, des bas bleus, des femmes intellectuelles, des militantes, des artistes, des femmes précaires, des clochardes, des marginales, des ménopausées, des femmes vieillissantes, des vieilles peaux, des femmes en chair, des femmes obèses, des érotomanes, des femmes à barbe, des femmes voilées, des stripteaseuses, des hôtesses de bar, des alcooliques, des mélancoliques, des meurtrières, des femmes violentes, des femmes à hommes, des misandres, toutes des mauvaises femmes, toutes des sorcières. Quel catalogue, dites-moi ? Il y a des femmes à hommes dedans ? Il y a bien d'autres femmes qui ne sont pas citées, parce que donc la liste est bien plus longue. Bon, alors cette sorcière Anna Goldie, on va y revenir quand même parce que c'est la base de notre récit et de notre réflexion. Est-ce que la caractérisation de la sorcière du temps d'Anna Goldi, finalement, a beaucoup changé en deux siècles? J'ai l'impression que non, en fait. Ce qu'on vient d'entendre tient lieu de réponse. Vous me confirmez? C'est bien pour ça qu'on parle d'héritage et qu'il est important, comme le disait ce cher Walter Hauser, de faire devoir de mémoire, travail de mémoire pour en tirer des leçons aujourd'hui. Puisque si on doit essayer de se départir de ce trauma qu'a été la chasse aux sorcières et ce féminicide, c'est bien pour aujourd'hui essayer de comprendre comment ne pas reproduire ça et considérer autrement les sorcières d'aujourd'hui. Mmh. Puisque des féminicides, il y en a toujours. Des personnes qui sont considérées comme des sorcières, il y en a toujours. Et voilà, donc moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, c'est d'essayer de recréer une connexion avec nos héritages, en tant que féministe, en tant que femme, en tant que queer, et d'essayer aujourd'hui d'en faire autre chose, de réinventer d'autres marges. Sauf que, et si vous me le permettez, je pense à la chasse aux sorcières. Vous savez, la chasse aux sorcières, le maccartisme, les sorcières, c'était essentiellement des hommes. Donc il y a aussi une chasse aux sorciers. Et donc à coller sorcières et femmes, c'est peut-être pas tout à fait juste. Il y a toujours eu des hommes aussi parmi les sorcières brûlées, si on peut dire. Donc le féminin, à cet endroit-là, l'emporte, malheureusement, j'ai envie de dire, puisqu'elles sont majoritaires et que c'est toujours le féminin qui a été dévalorisé, infériorisé dans l'histoire. Donc oui, évidemment, il y a eu des hommes, et sous le maccartisme aussi. Et encore aujourd'hui, on pourrait parler de sorcières, de personnes qui se définissent au masculin et qui se disent sorcières. On garde le féminin parce que c'est lui qui est constamment torturé, violé, maltraité, tué. Voilà. Et d'ailleurs, le mot sorcier n'a pas du tout la même connotation péjorative. Les mages, les sorciers ont de la puissance, mais dans le bon sens du terme. Est-ce que vous estimez, par exemple, et après j'arrête avec les hommes, que Galilée, condamné par l'Église catholique parce qu'il avait osé dire que la Terre était ronde, ou cette fameuse phrase fabuleuse « et pourtant elle tourne », était une sorcière ? Une forme d'hérétique, un ancêtre. Oui, bien sûr que les hérésies font partie des multiples manières de se sortir de l'ordre religieux, juridique, viril. Donc bon, là, c'était un homme, mais Alors aujourd'hui, je reviens aux femmes. Expliquez-nous ce passage, ce retour. C'est quoi en fait une sorcière aujourd'hui? Quel est le processus qui a fait changer l'image et le sens du mot sorcière, du concept sorcière? Il faut voir que c'est pas le seul terme qui a vécu cette transformation, c'est-à-dire que c'est une logique militante que de renverser des insultes, des stigmates, et d'en faire quelque chose de positif, d'en faire un emblème. Donc PD, queer, trans, black is beautiful, il y a eu beaucoup de termes comme ça qui ont été renversés par les communautés. Donc sorcière n'est plus une insulte, c'est une manière de se définir, de s'autoproclamer. Ça veut pas dire par ailleurs qu'il n'y ait pas des gens qui sont des sorcières sans le dire. Mais donc ce mouvement de retournement, il date pas d'hier, hein, il date déjà des années 70, puisqu'il y avait cette fameuse revue Sorcière Elle Vive, qui était une revue de poésie, de littérature et d'art féministe, et qui, pour ma part, traînait dans la bibliothèque de ma mère et m'a permis de me donner quelques indices de ce procès contre les femmes, et qui m'a mis sur la voie des sorcières. C'est comme ça que je m'y suis passionnée depuis 10 ans, et que j'ai consacré du coup ma vie artistique à leur donner la parole. Ma sorcière bien-aimée, des années 60, une série qui était très populaire. Qu'est-ce qu'il faut y voir dans Ma sorcière bien-aimée? On veut toujours trouver les bonnes et les mauvaises femmes, et les bonnes et les mauvaises sorcière. Oui, parce qu'il y a la sorcière de Blanche-Neige et puis il y a Samantha, la bien-aimée, quoi. Oui, qui est blonde et qui, comme Buffy, qui est Buffy contre les vampires, qui est aussi une icône sorcière, on va dire, de ma génération, est une blonde qui essaye de trouver des chemins d'empowerment ou d'empuissancement. Alors, Samantha, elle est un peu coincée quand même dans sa vie de ménagère. Ah oui, quand même. Et dans ce qu'on pourrait appeler hétéroland, dans ce monde de l'hétéronormativité. Donc c'est avec son petit nez qu'elle essaye de trouver des ruses pour y échapper. Et Roland, pour vous, c'est la dictature de la majorité numérique? Oui, c'est aussi les espaces mainstream, et c'est pas pour rien que, par exemple, moi, je suis invitée là en tant que jeune femme blanche qui parle sur le sujet, alors que je considère qu'il y a plein d'autres personnes qui sont des sorcières et qui mériteraient tout autant. Excusez-moi de vous avoir invité. Hein. Non, mais c'est juste pour dire que il y a des espaces de contre-culture, et puis il y a des espaces plus mainstream. Alors, en résumé, la sorcière, aujourd'hui, serait le symbole, ou l'un des symboles, peut-être même le symbole de l'émancipation féminine. On peut dire ça, on peut dire que elle est un symbole de ce qu'on ne doit pas oublier de notre histoire. Elle est aussi un symbole de comment relier des mondes entre eux, puisque c'est aussi une manière de concilier des pratiques politiques et des pratiques spirituelles et ésotériques. Moi, c'est comme ça que je suis rentrée dans cette aventure. C'est parce que j'avais une arrière-grand-mère guérisseuse qui était qualifiée de sorcière dans ma famille. Ah, moi-même, oui. J'étais toujours passionnée par des pratiques ésotériques et ça faisait pas toujours bien ménage avec mon féminisme naissant, pas très ouvert à ces questions-là. Parce qu'il y a 10 ans, on parlait pas vraiment de sorcière. Et puis finalement, j'ai essayé de créer des ponts entre ces univers et de voir comment, avec nos lunettes de féministes, on peut aussi continuer à déconstruire les binarismes et pas uniquement celui féminin-masculin, mais aussi rationnel-irrationnel, qui persiste très fortement en France, puisqu'on est très accroché à notre pensée scientifique, rationnelle, et dès que ça sort un peu de là, on est des sorcières. Camille Dusselier, on va se retrouver dans 3 minutes pour continuer à parler de... Moi, j'ai envie de dire du concept de la sorcière et de tout ce qu'il véhicule aujourd'hui, en réhabilitation notamment. It was just before the moon hung her weary, heavy head in the gallows and the graves of the milky, milky cradle. His tears have turned to poppies, a shimmer in the midnight, a flower in the our wings are in the blossoms. Ghisselier, donc c'est clair, hein, vous avez investi le champ de la sorcellerie avec par exemple votre guide pratique du féminisme divinatoire. C'est une tentative artistique ou politique ou les deux? Les deux. J'étais sûr. Et surtout aussi avec de l'humour et l'ironie féministe. Puisque à ce moment-là, en 2011, quand il a été édité pour la première fois, c'était tellement incongru de parler de ces croisements qu'il y avait qu'avec humour et poésie que je m'imaginais me lancer là-dedans. Donc c'est comme ça que je me suis dit, allez, 13 rituels qui croisent des pratiques féministes et des pratiques ésotériques, ça donnerait quoi? Et voilà ce guide pratique du féminisme divinatoire qui maintenant a été réédité en 2018. Mais dites-moi, nous les hommes... On va pas chercher notre masculinité en revisitant le mythe du chevalier Bayard ou du troubadour, on pourrait le faire après tout. Ben, vous le faites, je pense, dans bien des espaces et bien des endroits. Tiens, la masculinité est fort valorisée et fort et s'appuie sur un certain nombre de mythes, donc je pense que il y a pas lieu de nous narguer sur ce sujet. Mais je ne vous nargue pas. et vous-même, vous considérez comme une sorcière? Je me considère comme une sorcière au sens où le performatif, donc je dis que je suis une sorcière parmi toutes les identités que j'ai. Je suis pas que ça, je suis aussi féministe et gouine et queer et artiste. Et je me considère du côté des sorcières et du côté des marges. Mmh. C'est-à-dire que je pense que les sorcières d'aujourd'hui, c'est pas juste quelque chose de fun et de cool et de tendance, comme on pourrait le croire. Sont les personnes qui vivent concrètement des difficultés, des discriminations. Et je pense aux Gwyn, aux trans, aux PD, aux travailleuses du sexe qui se font tabasser la journée. Je pense aux clochardes qui sont violées la nuit pendant que tout le monde dort tranquillement dans son lit. Je pense aux personnes racisées qui subissent deux fois plus les violences policières. Et aux foufous, aux fofolles qui errent dans les rues parce que le système psychiatrique est ce qu'il est. Donc je pense à toutes celles, en fait, qui n'ont pas forcément toujours la parole, qui sont un peu les oubliées. Et moi, ma contribution, c'est de te leur donner la parole. Alors, le féminisme, votre définition, votre conception du féminisme, parce que c'est protéiforme. Alors, féminisme finit en isme, c'est donc un comportement, une démarche politique, philosophique. C'est un isme, hein, qui adhère à une certaine idée. Au-delà de ça, votre définition et votre pratique du féminisme, à vous, personnellement, c'est quoi? Ma pratique du et des féminismes, ouais. Parce qu'on ne cessera jamais de dire qu'il n'y a pas qu'une seule manière de le vivre. Il y a des féminismes, et pour moi c'est un féminisme queer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'essaye tant bien que faire que de déconstruire à la fois mes propres privilèges dans cette société et de déconstruire comment il y a des inégalités qui se reproduisent et comment on peut créer des alliances et des luttes intersectionnelles pour aider d'autres femmes ou d'autres hommes dans la perspective de plus d'égalité, mais pas seulement ça, aussi pour mettre un terme à ce monde. Parce qu'on parle souvent de fin du monde, et moi je pense que ça serait bien de mettre un terme à ce monde. Dernière chose, je ne sais pas si c'est un détail, pourquoi les sorcières ont toujours été représentées chevauchant un balai? Mais moi qui me suis passionnée pour les sorties de corps, les personnes qui font des voyages, qu'on appelle le voyage astral, j'imagine que pendant leur transe ou pendant leur danse, elles peuvent sortir de leur corps et aller voler sur leur balai dans d'autres dimensions. Et pourquoi sur un balai? Vous pouvez voler sur autre chose? L'outil de la ménagère détourné par excellence. Ah, voilà! D'accord, l'outil de la ménagère. Bien, merci infiniment Camille Ghisselier pour cet éclairage intéressant sur les sorcières, sur ce qu'elles portent et ce qu'elles véhiculent maintenant, de progrès d'ailleurs, hein, dans la condition des femmes, dans le féminisme. C'était une découverte. Merci. Merci. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Anna Goldie, sorcière au bouc émissaire. Une fiction écrite par Anne-Claire Jolin et Christelle Alves-Mera, réalisée par Michel Sidoroff. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet et réalisée par Anne Lioro. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Florent Layani et Paul Percheron.